Les sept merveilles du monde. Il fut demandé à un groupe d'étudiants d'établir une liste des sept merveilles actuelles du monde. Bien qu'il y eût quelques divergences d'opinion, les jeunes se mirent d'accord sur la liste suivante. Les grandes pyramides d'Égypte, le Taj Mahal, le Grand Canyon, le canal de Panama, l'Empire State Building, la basilique Saint-Pierre, la Grande Muraille de Chine. Alors que le professeur était justement sur le point d'évaluer le vote, elle remarqua qu'une des étudiantes n'avait toujours pas terminé. Elle demanda à la jeune fille si l'évaluation lui posait problème. L'étudiante répondit « Oui, un peu. J'ai du mal à me décider car il y a tellement de choix. » Alors le professeur dit « Eh bien, raconte-nous ce que tu as trouvé et peut-être nous pourrons t'aider. » L'étudiante hésita un instant avant de commencer à lire. « À mon avis, les sept merveilles du monde sont voir, écouter, toucher, goûter, sentir, rire et aimer. » Un silence absolu régnait dans la salle de classe. On aurait entendu une mouche voler. Les choses qui vont de soi et nous considérons comme ordinaires et banales sont en réalité extraordinaires et merveilleuses. Ce qui a le plus de valeur dans la vie ne peut être ni construit ni acheté. Chaque nouveau jour recèle des cadeaux uniques qui lui sont propres.